Radiomatique. Sur la musique de la formation de Future Sound of London que s'ouvrait la transmission 437 d'Audiomatique de l'anthologie Music from Calendars. Nous écoutions la pièce Frozen Air, Mentionnons que le concept Music for Calendars consiste à publier une nouvelle pièce par mois pour ceux qui se sont abonnés à cette série annuelle par l'entremise du profil Bandcamp de Future Sound of London. À la fin de l'année, les abonnés se retrouvent donc avec un album de 12 pièces. Quant à l'anthologie Music from Calendars, celle-ci regroupe une sélection de ses pièces produites entre 1997, année marquant le début de la série, et l'année 2020. Et maintenant, c'est au tour du défunt duo anglais Sing Sing d'assurer la continuité à Audiomatic.

à Audiomatic. C'était le groupe britannique de Sundays qui a existé de 1988 à 1997 et de qui on entendait la pièce Medicine de son deuxième album Blind, lancé en 1992. Précédemment à The Sundays, il s'agissait de la formation écossaise de Jesus and Mary Chain, menée par les frères Jim et William Reed, de leur septième album Damage and Joy, sorti en 2017 et qui à l'époque était leur premier album en 19 ans. Nous avons entendu la chanson Get On Home, qui a été indiquée initialement en 2006 par le groupe Free Heat, qui est le projet parallèle de Jim Reed. Et ce qui amorçait ce bloc musical était le défunt duo anglais Sing Sing, formé de Lisa O'Neill, qui a déjà travaillé avec Locust, Mad Professor et Kid Loco, et de Emma Anderson, bien sûr ex-membre de la formation Lush. De leur premier album, The Joy of Sing Sing, qui a été lancé en 2001, nous entendions la pièce Émigré, à laquelle participe Vinnie Miller, le leader de Starry Smooth Hound. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique d'un quatuor argentin. Thank you. Thank you. Audiomatic, nous venons d'écouter le projet Cell de l'artiste français Alexandre Scheffer. De son plus récent album Onward System, publié en 2002, nous entendions la pièce Geiger. Et avant Cell, c'était le quatuor de jazz composé de Pablo Ledesma au saxophone, Horacio Hurtado à la contrebasse, Pepe Angeligio au piano et Martin Misa aux percussions. Il nous interprétait le tableau sonore numéro 9 tiré de l'album Orias, dont les 16 compositions sont chacune inspirées par une photographie de l'artiste argentin Argamonte. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec la formation américaine Swell. One more day. Nous avions droit à Audiomatic, à la collaboration entre Jocelyn Montgomery et David Lynch, qui nous présentait la pièce Auto Illustra, qui est une composition de Hildegard von Bingen, qui est une moniale bénédictine allemande qui a vécu de 1098 à 1179. La version que l'on entendait est extraite de l'album Lux Vivens, Living Light, paru en 1998 et qui ne comprend que des compositions de Hildegard von Bingen, interprétées par Jocelyn Montgomery et David Lynch. Et pour débuter ce segment musical, c'était la formation californienne Swell, de son album intitulé For All the Beautiful People, sorti également en 1998. Nous vous avons offert la pièce Something to Do, suivie de la pièce instrumentale Pink Pink Rain. Cette transmission d'Audiomatique prendra fin sur la musique du projet Des Essaintes, mené par l'artiste Magnus Sundström, qui est aussi reconnu pour son autre projet nommé The Protagonist. Dans l'album Mondo Macabro, nous allons écouter la pièce Aftermath. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic.cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Des Essaintes et la pièce Aftermath. C'était Audiomatic avec Les Sonoristes.